aiguë. Ouais, je joue de tout mais mal. Là c'est faux. Je vais essayer de faire plus juste. Attends, je mets une petite batterie, attends. Attends, on est en combien là? On est en 95? Bouge pas. On doit se faire un duo de... Attends, hein. On va se faire un duo si tu veux là. Attends, je synchronise. Allez, un duo de Fatless, ça te dit? Salut, Carmen Canel. Allez-y, faites des accords. Moi je connais, à part les notes de la basse, mi, la, ré, sol. On va faire mi, la, ré, sol. Faux, hein. c'est la base. J'avais une vache. Karma Caléon, je te suis. Un truc. faire une variation. Ice cream and coffee. Bye.